deuxième temps d'une courte série de la Fabrique de l'Histoire consacrée au thermalisme et aux villes d'eau. Aujourd'hui, le documentaire. Hier, nous avons évoqué les mutations de l'usage des eaux thermales et des bains tout au long du Moyen-Âge. Demain, nous débattrons des villes d'eau comme villes de pouvoir. Et justement, ce matin, le documentaire de Christelle Le Polothèque et Anne Fleury nous conduit dans l'une d'entre elles, Baden-Baden. Baden-Baden, capitale d'été, c'est le titre de ce documentaire qui explique comment une petite ville d'eau qui date de l'époque de l'Empire romain est devenue une capitale d'été pour tous les souverains européens au 19e siècle en particulier. Un documentaire jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire avec les témoignages et les analyses de Heike Kronenvet, de Renate Effern, de Jeanne Moll, de Elisabeth Eurand, de Dagmar Rumpf et de Joachim Engert. Ce sont les Romains qui ont cultivé les bains ici. C'était une ville de garnison et les Romains savaient qu'il y avait des sources chaudes. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi cet endroit pour s'établir. Il y avait déjà eu un médecin célèbre au XVIe siècle qui s'appelait Paracels, qui est venu à Baden, qui a guéri un margrave et qui a écrit quelque chose d'intéressant sur l'eau de Baden. Il a dit « l'eau de Baden, c'est comme les plantes, l'eau vit ». Et c'est lui qui a remarqué qu'il y avait cette radioactivité qu'on ne connaissait pas. Nous sommes une zone volcanique, il y a du porphyre, il y a une colline qui s'appelle Magnetberg, le magnétisme. Donc il y a quand même quelque chose dans cette eau. Voilà. Les eaux des sources jaillissent du sol à 68 degrés. Elles viennent directement de la forêt noire et sortent dans un bassin en granit. Au Moyen Âge, les bouchers venaient même ébouillanter leurs cochons dans les sources jusqu'à ce que ce soit interdit. Il y avait des bals presque chaque soir. Il y avait un bal ici. C'était une vie presque comme dans les grandes villes, oui. Et j'ai lu qu'en été, par exemple, toutes les compagnies de théâtre de Paris, ils étaient tous là. Ils étaient tous à Baden. Si, est venue à Baden. Et elle chevauchait très haut sur la route des Crêtes. Donc on marchait, on se promenait. Et puis l'après-midi, eh bien, il y avait des petites rencontres. Enfin, il y avait de la musique. Il y avait de la musique toute la journée, finalement. 6 fois par jour, ces concerts. Oh là là! Lust am Leben, natürlich. Joie de vivre naturellement. War das Leben hier in der Belle Époque einfach formidable. Baden-Baden, capitale d'été. Un documentaire de Christelle Le Polothèque et Anne Fleury. Heike Kronenvet, nous sommes donc là dans le Stadtmuseum de Baden-Baden. Donc une ancienne auberge où a séjourné Flaubert, donc sur les bords de l'Ours, sur la Lichtental Allee. Et donc dans ce musée, vous conservez tout un tas d'objets du 19e siècle. Donc ça, c'est une lithographie, un plan de la ville qui date de 1827. Le plan montre bien la vieille ville de Baden-Baden et l'emplacement du mur qui a entouré la vieille ville pendant des siècles. Mais on voit déjà le nouveau quartier des Cures qui a été construit en dehors de l'enceinte de la ville avec le Kurhaus qui date de 1824 et la promenade plantée de 4 rangs de châtaigniers qui mène directement au pont principal et à la ville. On ne voit pas encore la Tringhalle qui sera construite en 1838, et il manque aussi les grands hôtels le long de la Lichtentaler Allee. Mais le Kurhaus est déjà là, la maison de conversation qui était au centre de la vie sociale pour tous les curistes et les touristes qui venaient à Baden-Baden de mai à septembre. 6000 personnes environ venaient chaque année. Thank you. pour beaucoup de Français, Baden-Baden est la ville du général Massu. Mais ses liens avec la France remontent bien avant ça. En 1689, quand les troupes de Louis XIV ont ravagé la ville avant de l'incendier consciencieusement, n'y laissant, paraît-il, que des cendres et des rats. Cela n'empêcha pas cette petite ville d'eau, d'origine romaine, nichée au pied de la forêt noire, de devenir la capitale d'été de l'Europe au cours du XIXe siècle. S'y rassemblaient le monde et le demi-monde qui constituaient à l'époque l'élite internationale. Reprenons le fil de cette histoire cosmopolite en traversant la ville depuis la révolution de 1789 jusqu'au départ des forces françaises en Allemagne. Jeanne Moll, vous avez été enseignante donc, au lycée français Charles de Gaulle à Baden-Baden. Oui. Vous êtes membre du cercle franco-allemand. Oui. On essayait de contribuer à notre mesure à faire connaître parmi les jeunes tout ce que nous devions au traité de l'Élysée qui a mis en place les conditions d'un rapprochement franco-allemand après les guerres qui avaient été désastreuses, pas seulement depuis 1870. Je rappelais tout à l'heure que le sentiment de haine des Allemands à l'égard des Français remontait aussi à l'époque où Louis XIV, le roi très chrétien, comme on l'apprenait dans nos écoles en France, a saccagé ici, pas seulement Baden-Baden, mais d'autres villes comme Heidelberg, Mannheim, etc., et détruit toute la ville de l'époque, incendié le château aussi. Donc ça c'était 1689, 17e siècle, et le 18e siècle a été un temps de reconstruction, si vous voulez, de la ville. La grande époque, c'est le 19e siècle, mais dès la fin du 18e siècle, il y avait déjà des institutions ou des visites de Français qui venaient ici à Baden-Baden. Dagmar Rumpf, à la fin du 18e, Baden-Baden attire cette élite internationale, notamment française, de ces immigrés qui vont fuir la Révolution. Les aristocrates qui fuyaient la Révolution française ont vraiment donné une impulsion au développement de Baden-Baden. Ce sont eux qui ont introduit les jeux d'argent. On jouait principalement dans les auberges et la ville a vu qu'il y avait là l'opportunité de gagner beaucoup. Et donc, elle a organisé une réglementation et les auberges ont dû payer pour avoir le droit de faire des jeux d'argent. Et ça a vraiment été apporté par les aristocrates qui fuyaient la Révolution française et se sont installés dans la région. À l'époque, Baden-Baden n'est plus résidence officielle, car le margrave de Baden-Baden s'est éteint sans descendance masculine, et donc le titre est passé à une autre lignée, celle de Karlsruhe. Donc la résidence est à Karlsruhe, mais au début du 19e siècle, le margrave lui-même redécouvre le château qui trônait au-dessus de Baden-Baden et décide d'y passer toutes ses vacances. Ce margrave est apparenté à de nombreuses cours d'Europe, dont celle de Stéphanie de Beauharnais. Et donc toutes ces têtes couronnées lui rendent visite quand elle vient à Baden-Baden. À cela se rajoute le fait que Baden-Baden se situe dans la forêt noire et correspond donc tout à fait à l'esprit du temps, celui des romantiques. Les images de la nature, dans la forêt, les chutes d'eau, les falaises, répondaient au désir d'exaltation de l'époque. Ça a aussi été une raison pour laquelle Baden-Baden est devenu à la mode. Elisabeth Hörand, vous êtes guide ici à Baden-Baden. On est là donc tout au début en fait de la Kaiserallee, à l'entrée on va dire de Baden-Baden. Ce bâtiment c'est le Badische Hof, l'hôtel de Baden. Un éditeur, Kota, voulait avoir un hôtel et il voulait être un centre culturel. Il était très attaché à la France, ça c'est important parce qu'il avait des relations politiques avec la France. Et donc il a appelé Weinbrenner. Weinbrenner, c'est l'architecte de Baden. C'est lui qui a construit, on verra la façade du casino, qui a construit une autre maison. Donc ça, c'est son style. C'est-à-dire le style classique, les colonnes avec la frise, ça c'est indispensable. Et on trouve ça dans tous ces bâtiments. C'était la mode. C'est un bâtiment quand même assez monumental. Donc il y a actuellement encore une piscine thermale. Donc il y avait des cabines, enfin il y avait aussi des écuries, enfin etc. C'était quand même très très grand. Et là sont venus, par exemple, le cercle de Weimar, des romantiques de Weimar, de Heidelberg. Enfin, c'était un lieu de rencontre. Nos Français sont venus ici, Gérard de Nerval. Parmi les gens qui viennent à Baden-Baden, il y en a qui viennent pour les bains, donc plus tardivement à partir des années 70. Il y en a qui viennent pour le casino. Les romantiques, ils venaient pour quoi ? Pour la nature ? Ben, il y a tout. Il y a des rochers, il y a la forêt, il y a la montagne, il y a cette allée, cette promenade. On ne prend pas tellement de bains au 19e siècle, on boit de l'eau. C'est pour ça que vous allez voir la Trinkhalle, hall de boissons, enfin d'eau. Et donc, il fallait être vu à Baden. On va passer comme ça. Voilà, pour aller vers la Trinkhalle et le casino. On va passer là. Ce sera plus calme. Prenez vos billets d'entrée au salon de conversation. Payez votre abonnement, retenez votre stall. Et alors, au milieu des galeries de Benazet, aux accords d'un orchestre qui joue en plein air toute la journée, vous pourrez jouir de l'aspect complet de Baden, de sa vallée, de ses montagnes, si le bon Dieu prend soin d'allumer convenablement le lustre et d'illuminer les coulisses avec ses beaux rayons d'été. Car à vrai dire, et c'est là l'impression dont on est saisi tout d'abord, toute cette nature a l'air artificielle. Ses arbres sont découpés, ses maisons sont peintes, ces montagnes sont de vastes toiles tendues sur châssis, le long desquelles les villageois descendent par des praticables, et l'on cherche sur le ciel de fond si quelques taches d'huile ne va pas trahir enfin la main humaine et dissiper l'illusion. Gérard de Nerval, Lorelei, 1852. La maison de conversation, c'est quoi ? Au début, c'était une petite maison de bois, mais qui est vite devenue trop petite, et on en a construit une nouvelle. En 1821, l'architecte Friedrich Weinbrenner a conçu les plans, et on a essayé de trouver à l'intérieur de la ville un terrain assez grand, mais il n'y en avait pas. Alors on a décidé de la construire en dehors du mur d'enceinte, ici, dans cet emplacement. Il y avait de la place, des prés, et on s'est dit, c'est ici qu'on va bâtir la nouvelle Kurhaus, la maison des cures. Et en 1824, les travaux étaient achevés, et toute la vie sociale s'est déplacée ici, en dehors de la ville, et on a créé le casino. À quelques mètres du casino, donc, le long de l'Oss, on arrive avec vous, Joachim Engert, donc dans la Trinkhalle. Oui, c'est ça, nous sommes dans la Trinkhalle, la buvette. Ce bâtiment a été construit pour que les touristes et les curistes puissent se retrouver, faire la conversation et bien sûr boire l'eau des sources chaudes. On buvait les eaux des différentes sources, mais aussi du petit lait de vache, ainsi que du lait de chèvre. Et c'est dans ce but qu'on a construit ce bâtiment. À l'extérieur, sous les colonnades, il y a 14 fresques qui représentent les contes et légendes de la forêt noire. À l'époque, on venait ici pour passer du bon temps. Bien sûr, on venait pour se soigner, mais surtout pour être en société, profiter des soirées, se faire chic, se promener à pied ou en calèche le long de l'allée, voir et être vu. C'est ça qui était important. Baden-Baden était vraiment un grand centre de communication pour l'aristocratie européenne. Jusqu'en 1870 à peu près, à Baden-Baden, prendre les eaux, ça veut dire venir boire de l'eau. Les bains ne sont pas encore une pratique... Pas vraiment courant, mais on prenait des bains quand même. Par exemple, à l'hôtel au Badischer Hof, il y avait des cabines, etc. On prenait quand même des bains. Alors on va voir le casino qui est juste à 30 mètres d'ici. Et je vous raconte pas le casino. Coupable oubli. Casino, rendez-vous de l'Europe. toutes les élites, noblesse, ambassade, théâtre, bien avant que les masses voyagent et que l'Amérique vienne en 3 heures. Figurez-vous ces salles de jeu, baroques à la Transylvanie, tapissées velours framboise et or. Vous attendez des grilleux. Manon est en répétition. 10 Manon, pas repenti du tout. Pire en pire, joueuse, du rouge et de la noire, des cils, des nénés, des hanches et ce soutien-gorge qui fout le camp. Les colonels congestionnés, les conseillers hépatiques et les rombières défaillantes, cardiaques pâles, pâles, qui n'ont plus un jeton vaillant et plus la force de se lever, partir. La pâtisserie du casino, absolument toujours bourrée de veuves de guerre boches, en pleine cure de convalescence pour choc émotif, et en avant, baba au rhum, religieuse et brioche comme ça, tartine aux myrtilles et plateau d'éclairs. Louis-Ferdinand Céline, Nord, 1960. Joachim Engert, nous sommes ici, donc dans le casino de Baden-Baden. Jacques Benazet a eu un rôle assez fondamental dans la construction de ce Baden-Baden mondain. Absolument. Jacques Benazet était extrêmement populaire. C'est lui qui, un peu plus tard, a construit le théâtre. Il a également cofinancé l'embellissement de la Lichtenthaler Allee, mais surtout, il a importé ici une vie mondaine qui a attiré les gens du monde entier. Il y a tout d'abord eu ce casino, qui est l'un des plus beaux du monde. Et puis, face à l'afflux de visiteurs, on a commencé à construire des hôtels. Et à vivre vraiment la belle époque. Il y avait beaucoup de Russes, des Français. Et Benazet a également importé les courses de chevaux. Et tout ça a attiré les plus grandes élites de l'époque. Heike Kronenwett. Baden-Baden est très marqué par l'aristocratie du 19e siècle. Ainsi que par la haute bourgeoisie qui séjournait ici, comme les Benazet. Jacques Benazet dirigeait le Frascati à Paris et a pris la direction du casino de Baden-Baden en 1838. La France avait interdit le casino en 1836. Et il est venu ici avec sa renommée et un système très moderne de marketing. Il invitait des journalistes de Paris et du monde entier lors d'événements qu'il organisait afin qu'ils en parlent dans les journaux pour faire connaître partout le nom de Baden-Baden. Si on fait quelques pas, je vais vous montrer le mobilier du casino au 19e siècle, tout à fait dans le goût français. Nous avons ici, au musée, des meubles à la manière de boule. Boule étant ce grand ébéniste français du XVIIIe siècle. On voit ici, par exemple, cette marqueterie composée de bois et de laiton, très représentative du style français au XIXe siècle, qui avait donc été achetée par les gérants du casino pour les salles de jeu, de même que cette table miroir, tout à fait dans le style français. Je vous ai dit que tous ces salons étaient du style français. Elisabeth Heuren. Donc ensuite, on va arriver dans ce salon qu'on appelle le salon d'hiver, seulement à cause de cette couleur blanche. Hein. Donc ça, c'est le style Louis XVI, le salon d'hiver. Typique avec ses croisillons de bois doré collés sur le marbre. Vous verrez ce qui est magnifique, c'est les vases de Chine du XVIe siècle. On va les voir, oui, quand même. Mais donc, effectivement, c'est un salon extrêmement opulent, avec une fontaine, là, dorée, avec ces petits angelots. Une coupole avec des vitraux et des dorures, des lustres absolument monumentaux. Les lustres, c'est du cristal de Bohême. Bon, ça, c'était la salle de bal. Et on l'appelle le salon florentin, parce qu'au 19e, c'était la mode des jardins à l'italienne. Donc toutes ces fresques, ce sont des jardins. On l'appelle aussi le salon aux 1000 bougies, parce qu'évidemment, il n'y avait pas d'électricité, donc il n'y avait que des bougies. Et vous voyez cette coupole au-dessus, on pouvait la surélever. Là, il y avait une galerie, et là était l'orchestre. Et ici, on valsait. Alors, Johann Strauss est venu très souvent à Baden, c'était un ami de Brahms. Il est venu diriger sa musique, mais aussi la musique de Brahms. Donc, on valsait ici, voilà. Le samedi, et le jour du grand bal, une cloison divise le salon en deux parties inégales, dont la plus considérable est livrée aux danseurs. Les abonnés seuls sont reçus dans cette dernière. Vous ne pouvez vous faire une idée de la quantité de blanches épaules russes, allemandes et anglaises que j'ai vues dans cette soirée. Je doute qu'aucune ville de l'Europe soit mieux située que Baden pour cette exhibition de beautés européennes, où l'Angleterre et la Russie luttent d'éclat et de blancheur, tandis que les formes et l'animation appartiennent davantage à la France et à l'Allemagne. Que vous dirais-je d'ailleurs de ce bal, sinon que ce sont là d'heureux pays où l'on danse l'été pendant que les fenêtres sont ouvertes à la brise parfumée, que la lune, luit sur le gazon, éteint, au loin, le flanc bleuâtre des collines. Gérard de Nerval, 1852. Les directeurs du casino, Édouard et Jacques Benazet, ont fait construire dans les années 50 un théâtre à la française à côté du Kurhaus, la maison des cures, qu'on peut voir encore aujourd'hui. Au moment de la construction du théâtre, il a été achevé en 1862, il y a eu une grande dispute entre le goût de Bade et l'horrible goût français. Le résultat, c'est ce théâtre qui est un merveilleux compromis entre les deux genres. Au dehors, c'est une architecture rigoureusement renaissance, dans le goût de Bade. Et les décorations intérieures en rouge et doré, dans le style néo-rococo, sont tout à fait dans le goût français. Au final, c'est un parfait mélange. Pour l'inauguration, les Benazet ont commandé un opéra à Hector Berlioz, Béatrice et Bénédicte. Et ce qui était très beau, c'est qu'il y a eu deux cérémonies d'ouverture, une allemande et une française. Le théâtre allemand invitait la muse française et on était vraiment au cœur de l'Europe. C'était une façon très visionnaire de concevoir la culture. Bien sûr, ils ne pouvaient pas prévoir que moins de 10 ans plus tard, il y aurait la guerre entre les Français et les Allemands. Parce que là, Jeanne Moll, comment ça s'appelle ? C'est la promenade, Lichtenthaler Allee ? Lichtenthaler Allee, oui, c'est l'allée de Lichtenthal. Sur 3 kilomètres, c'était à l'origine un chemin qui reliait le couvent des Cisterciennes de Lichtenthal depuis le XIIIe siècle. Et ils avaient des biens considérables au fur et à mesure des années, des champs, des vignes, parce qu'ils vivaient en autarcie, ils se suffisaient à eux-mêmes. Donc c'est au XIXe siècle que un jardinier, directeur des jardins, a été chargé d'aménager ce chemin, d'en faire un lieu remarquable qui fait que l'on se sent dans un autre monde. C'est comme si le temps s'était arrêté ici. On n'entend pas de bruit, on voit parfois une calèche qui passe. Et donc c'est un lieu idyllique, oui. Il borde l'Ours, c'est ça, oui, c'est une sorte de petit ruisseau. Oui, un ruisseau qui prend naissance dans la forêt noire et puis qui va rejoindre la Mourgue. Et surtout aussi, il y a beaucoup de rhododendrons, des buissons de rhododendrons qui sont surtout sur les abords, là, vous voyez, comme aussi sur les côtés. Donc les bâtiments principaux, les hôtels essentiellement, sont reliés à la promenade par une passerelle au-dessus de l'Ouse, dont les côtés sont en fer forgé, enfin très, très jolis, très pittoresques. En continuant, nous pouvons en voir aussi une quantité. Dagmar Rumpf. Le Badische Hof était le premier hôtel de la nouvelle génération. C'était un hôtel de luxe. Jusque-là, il n'y avait que des auberges moyenâgeuses tassées dans la vieille ville. Et tout à coup, se sont construits l'un après l'autre toute une série d'hôtels, comme les perles d'un collier le long de la Lichtenthaler Allee. Hôtel de la Cour de Bade, hôtel de la Cour d'Angleterre, puis l'hôtel Stéphanie, l'hôtel Bellevue, etc. Enfin, vraiment comme des perles de collier. Ils avaient tous beaucoup d'espace, de jolis parcs directement reliés à l'hôtel. Enfin, rien à voir avec ces hôtels exigus de la vieille ville. Renate Effern, vous êtes donc la présidente de la société Turgenev, ici en Allemagne. Et vous avez choisi de nous rencontrer ici, à Baden-Baden, à l'Atlantic Park Hotel. Il y a une signification particulière à cet endroit. Et c'est un hôtel très vieux. On l'a ouvert en 1828. Et c'était deux fois plus grand. À l'époque, il s'appelait Atlantic Park Hotel aussi. Non, c'était Hôtel de l'Angleterre. C'était au centre-ville et il y avait beaucoup de gens très, très importants qui ont habité ici. Pour moi, des Russes, il y avait le tsar Alexandre II. Il a été ici trois fois et il s'est rencontré avec sa sœur qui était la reine de Württemberg. Elle venait de Stuttgart. Lui, il venait de Saint-Pétersbourg et ils ont passé des vacances ensemble ici, oui. Qu'est-ce qu'ils venaient chercher à Baden-Baden? Mais les tsars russes, ils étaient presque tous mariés avec des princesses allemandes. Aussi, le tsar Alexandre Ier, il était marié avec une princesse de Bade. C'est pour ça que... Après la guerre avec Napoléon, le congrès de Vienne, en 1814-15, déjà alors il y avait beaucoup de Russes ici. Il y en avait dans tous les hôtels des Russes, mais ils ne parlaient pas le russe, ils parlaient seulement le français. Et c'était des militaires et c'était des aristocrates et ils étaient vraiment énormément riche. Et il y a l'expression le russe riche, oui. Et ça, c'est pas de notre temps, c'est du 19e siècle. Alors, ils étaient vraiment riches. La ville était très petite, alors il y avait 5000 habitants seulement. Et alors, s'il y avait des Russes tellement riches, c'était vraiment une chose énormément spectaculaire, oui, je dirais. Est-ce qu'ils ont, d'une certaine manière, laissé leur empreinte dans la ville, tous ces Russes du 19e? Oui, bien sûr, il y a une église il y a même deux églises orthodoxes ici, des très jolies maisons. Il y avait un prince Menchikov. Il avait une grande villa et 25 chevaux pour avoir un autre cheval chaque jour et comme ça. Il vivait, vous savez, mais c'est intéressant, il vivait alors au 19e siècle comme en Russie. Les Allemands ne leur intéressent pas du tout, pas du tout. Ils n'ont pas montré d'intérêt de faire des amitiés avec des autres, avec des Allemands ou avec des Français. Non. Ils étaient toujours comme une colonie. On parlait aussi au 19e siècle de la colonie russe. Ils se sont sentis comme en Russie. C'était seulement un peu mieux. Parce qu'ils pouvaient parler plus ouvertement, oui. Ce sont les journaux dans lesquels sont publiées les listes des voyageurs. Ça, c'est le Badeblatt du 24 mars 1880. Et voici donc les étrangers ou les hôtes qui sont venus ce jour-là. Voulez-vous savoir quels hôtes nouveaux la ville a reçus pendant votre absence? Voici la liste des étrangers que le Badeblatt vous donne avec une régularité minutieuse. Le Badeblatt, est la Gazette de Bade. Mais que ce titre de gazette ne vous effraie pas. Vous ne trouverez dans cette feuille ni politique, ni critique, ni rien de ce qui verse le trouble et l'ennui dans l'esprit du lecteur. Ce qui fait surtout le mérite et la fortune de cette excellente gazette, c'est qu'elle donne régulièrement, chaque jour, la liste des étrangers à mesure qu'ils arrivent à Bade. Vous apprenez en même temps leur demeure et vous voyez dans quelle proportion les nouveaux venus se sont répartis entre l'hôtel d'Angleterre, l'hôtel de Russie, la cour de Bade, l'hôtel d'Europe, l'hôtel Victoria, l'hôtel de Darmstadt, la fleur, l'hôtel de France, l'esprit, la licorne, l'hôtel de Hollande, le cerf, la couronne, le Rhin, la ville de Bade, le chevalier d'or, la montagne verte, la rose, le soleil, la ville de Strasbourg, la cour de Zeringen. Eugène Guinaud, l'été à Bade, 1868. Ce qui est aussi important au 19e, justement pour faire venir toutes ces cours européennes, c'est les transports. Donc il y avait une gare à Baden-Baden, et puis il y avait aussi, paraît-il, un terrain pour les dirigeables, c'est ça ? Autrefois, on venait en train, ou alors, naturellement, en zeppelin. C'était un mode de transport très en vogue à l'époque. Et il y avait même à Baden-Os un terrain d'atterrissage spécialement fait pour eux. Et ensuite, les voyageurs venaient en train ou en calèche jusqu'à Baden-Baden. Les Russes venaient par le train ou en calèche avec un énorme entourage. D'ailleurs, on entend justement une calèche arriver. On avait toujours un immense entourage avec soi, parfois jusqu'à 200 personnes qui accompagnaient le prince ou l'empereur. Et ils dormaient tous à l'hôtel ou dans des petites pensions. Tous les Russes, je pense, au 19e siècle, ils se sont ennuyés énormément. Non? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le prince de Menchikov, il est allé avec sa troïka au parc très vite. Et il y avait un policier qui lui a dit « Écoutez, vous ne pouvez pas aller tellement vite ». Alors, M. Menchikov lui a donné de l'argent, a dit « Bon ». Voilà, et la chose est terminée. Mais après, la ville lui a permis d'aller comme il voulait parce qu'il était déjà une attraction de la ville, non ? Ils étaient toujours en groupe et il y avait un arbre qui s'appelait l'arbre russe. C'était pas très loin du courthouse et là, ils se sont rencontrés quand ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Non, vraiment, si on dit ce qu'ils ont fait, ils se sont énormément ennuyés. Comme d'habitude, nos aimables compatriotes des deux sexes se rassemblaient à l'arbre russe. Ils s'approchaient d'un air magnifique, nonchalant, à la mode. Ils se saluaient les uns les autres avec superbe élégance, désinvolture, comme ils s'y étaient à des êtres qui représentent le summum de la culture européenne. Mais une fois réunis et installés, ils ne savaient absolument pas quoi se dire, et se contentaient soit d'échanger les futilités les plus vulgaires, soit d'écouter les boutades éculées de la plus parfaite impudence et de la plus parfaite platitude, d'un ex-littérateur français au talent tari depuis longtemps, un bouffon et un bavard dont les pieds minuscules étaient chaussés à la diable, et qui portait une vilaine barbiche sur son museau répugnant. Fumée. Tourguenieff, 1867. Naturellement, il se rencontrait aussi dans les hôtels le soir. Il faisait des rencontres très étranges. Il y avait par exemple un magnétiseur qui a magnétisé un crêpe, une... Le crabe. Oui, mais ça n'a pas marché et alors les Allemands huraient beaucoup à cause des Russes. Les Anglais vraiment sont très importants aussi. Il y avait aussi des aristocrates anglais. Il y avait la reine Victoria qui a été deux fois à Baden. elle parlait parfaitement l'allemand parce qu'il y avait des relations allemandes. Et elle a écrit dans son Tagebuch, dans son journal, elle a écrit « I loved shopping in Baden-Baden ». Shopping. Heike Kronenwett. Après la guerre franco-allemande de 1870, s'est établi le Reich allemand sous autorité prussienne. L'empereur Guillaume a interdit les jeux d'argent dans tout le Reich et donc aussi à Baden-Baden. La ville a ainsi perdu sa plus grande source de revenus. En fait, l'idée d'une unification allemande avec les Prussiens à sa tête circulait depuis plusieurs années. Et dans ce cas, on savait que le jeu serait interdit. À Baden-Baden, on réfléchissait depuis plusieurs années à ce qu'on pourrait proposer aux touristes si on devait fermer le casino. C'est pourquoi on avait commencé à construire plusieurs établissements de bains, comme le Friedrichsbad pour les hommes et Augustabad pour les femmes. Dagmar Rumpf, comment on peut les décrire, ces bains de Friedrichsbad ? Les Friedrichsbad étaient à l'époque les bains les plus modernes en Allemagne. Ce sont des bains romains irlandais, ce ne sont pas des bassins de baignade comme on en fait aujourd'hui, mais des bains que l'on prend selon un parcours précis, avec un certain nombre de stations, massages, sauna, bains de vapeur, etc. Au centre de l'établissement, on trouve un bassin, le bassin de la coupole, où l'on peut nager un peu, ce qui était tout à fait nouveau dans le paysage thermal en Allemagne. Et ça explique aussi l'attraction qu'exerçaient ces bains. L'architecture est un mélange entre néo-renaissance et néo-gothique, avec des matériaux très coûteux, et l'intérieur est très richement décoré, avec des majoliques très colorées, chamarrées. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que ces bains, le Friedrichsbad, il est resté exactement... comme à l'époque, quasiment. Là, il y a une photographie qui date de 1909. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, Heike Kronenwett ? Nous voyons sur la photo des hommes dans le grand bassin du Friedrichsbad qui a été conservé jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, on se baignait avec une serviette nouée autour des reins. Maintenant, on se baigne nu. Et on voit également la grande salle de gymnastique avec tous les appareils de musculation, pour les bras, pour les jambes, dans une halle magnifique. Ici, on voit les gens se reposer, faire des inhalations, ou encore se prélasser sur les bancs du sauna. Et ça a fonctionné, c'est-à-dire cette tentative de remplacer l'attractivité du casino par les bains, dans cette deuxième moitié du 19e, ça a marché parce qu'il y a eu pas mal de Prussiens qui sont venus, comme l'empereur Guillaume venait ici, Bismarck venait ici, la haute société prussienne est venue à Baden. Ça a complètement changé les choses. Tous les Français sont partis. Les Russes, bon, il y avait des relations. Le tsar Alexandre était marié à une princesse de Bade. Donc, il y avait des relations avec la Russie. On a construit l'église russe, par exemple, à la fin du 19e. Il y avait la colonie anglaise. Il y a une église anglaise qui est maintenant une église luthérienne. Mais donc, les Anglais, eux, ils sont restés encore un peu. Les Anglais sont restés encore un peu, mais les Français sont partis. Donc ça périclite pas, mais enfin, ça périclite pas, mais ce ça prend côté international, une toute autre image. Cette image de légèreté, de bal, etc., c'est complètement différent. La ville devient très guindée, on dit à l'époque, parce que c'était prussien. Voilà. Avant, c'était la ville vraiment internationale. Et après, c'était une ville allemande. Renate Effer. Après la guerre. Parce qu'il y avait tellement de Prusses ici, dans cet hôtel ici. Il y avait le chancelier Bismarck qui avait vécu ici 16 fois dans cet hôtel. L'empereur a vécu dans un hôtel à côté du théâtre. Et en été, on faisait la politique allemande à Baden-Baden, non? Les Prussiens instaurent un nouveau climat à Baden-Baden, plus guindé, plus rigide. Et puis arrive la Première Guerre mondiale. À quel moment la ville va retrouver son éclat, son prestige international? Dans les années 20, la ville retrouve un peu de son éclat international. C'est les années folles. Dagmar Rumpf. Mais l'inflation guette. Et à la fin de la décennie, il y a eu la crise financière. De nombreux hôtels ferment. Il faut dire que les équipements commençaient à dater et que les attentes des clients du 20e siècle n'étaient plus les mêmes que ceux du 19e. Hôtels zu modernisieren in diesen schwierigen et qu'on n'avait pas d'argent pour les moderniser en ces temps difficiles. Natürlich in Baden-Baden auch die Nationalsozialisten ist die politischen à Baden-Baden aussi on assistait à la montée du nazisme. Schlachten auch hier und dann natürlich mit dem le climat politique s'est radicalisé et il y avait des combats de rue jusqu'à ce qu'Hitler arrive au pouvoir en 1933. Die Nazis haben durchaus Interesse gehabt, Baden-Baden weiterhin. Les nazis avaient aussi intérêt à ce que Baden-Baden reste une ville internationale. Et on peut d'ailleurs noter que de nombreux juifs du reste de l'Allemagne sont venus s'installer ici. Weil man gehofft hat, in Baden-Baden ist man vielleicht nicht dermaßen. Car ils pensaient qu'il y aurait moins de répression. Et ça a été le cas pendant quelques années. Mais après les pogroms de 1938, cette illusion a complètement disparu. C'est aussi intéressant de noter que les nazis ont autorisé la réouverture du casino dès 1933, après 61 ans d'interdiction. Là aussi, c'était dans un but purement économique, afin de faire de Baden-Baden la métropole touristique du Reich allemand. Après la guerre et la défaite nazie, la ville et ses nombreux hôtels vont être réquisitionnés par les forces françaises en Allemagne, qui ont décidé de faire de Baden-Baden leur état-major. Pendant plus de 50 ans, les Français vont s'établir ici, construisant casernes, cités, écoles, hôpitaux, économas, monumentaux bâtiments administratifs et même une église catholique. Mais tout d'abord, terminons cette promenade sur les bords de l'Ourcq, le long de la Lichtenthaler Allée, face à l'hôtel Brenner, qui, avant d'accueillir les forces françaises, avait également hébergé quelques collaborateurs en fuite sur le chemin de Sigmaringen, à l'image de Louis-Ferdinand Céline, qui revient dans Nord sur cette période troublée. Dieu sait s'ils étaient gaullistes, anti-hitlériens à tout craint, les hôtes du Brenner. Baden-Baden. S'ils étaient mûrs pour les alliés. Croix de Lorraine au cœur, dans les yeux, sur la langue. Et pas des petites gens malchanceux, affolés, râpeux, boutiquiers, non. Tous habitués du très haut luxe, de la super catégorie. Deux, trois femmes de chambre par appartement. Balcon de cure ensoleillé sur la Lichtenthal Allée, les bords de l'Oss, ce petit ruisseau au clapotis si distingué, bordé de toutes espèces d'arbres rares, le site du parfait raffinement. Saule pleureur à chevelure d'argent au fil de l'eau, sur 20-30 mètres, jardinage fignolé de 3 siècles. Le Brenner n'admettait client que les extrêmement bonnes familles, anciens princes régnants ou magnats de la Ruhr, de ces maîtres de forge à 100-200 000 ouvriers. Là où je vous parle, juillet 44, encore ravitaillés très bien et très ponctuellement, eux et leurs gens. Beurre, œufs, caviar, marmelade, saumon, cognac, grand moum. Par jet d'envoi parachuté sur Vienne, Autriche, direct. De Rostov, de Tunis, d'Épernay, de Londres. Les guerres qui font rage sur 7 fronts. Et sur toutes les mers, n'empêche pas le caviar. La super écrabouillerie, bombe Z, lance-pierre ou tumouche, respectera toujours les délicatessen des hautes tables. Ce n'est pas demain que vous verrez Krokouzov se nourrir de singes. Nixon à la nouille à l'eau, Millamac à la carotte crue. Les hautes tables sont raison d'état. Le Brenner l'était avec tout ce qu'il faut. Assassin à tous les étages, habillé en garçon de cuisine, promenant la compote marasquin. Louis-Ferdinand Céline, Nord, 1960. Nous sommes ici devant l'entrée, donc Schillerstrasse, du Brenners. Brenners Park Hotel. Qui a une importance dans l'histoire française et franco-allemande aussi. Oui, dans l'histoire française, parce que quand les troupes françaises sont arrivées Jeanne Moll. À Baden-Baden, après quelques combats, mais pas trop sanglants, grâce à l'intervention d'un maire qui a pu convaincre les Français, les responsables, que la ville ferait reddition. Donc, ça a été le siège du premier gouverneur militaire, ici, dès 1945, aussi du général König, l'état-major. Tous les autres officiers supérieurs étaient dans des hôtels ou dans des villas réquisitionnés. Toute la ville avait été réquisitionnée, si bien qu'on a peine à imaginer aujourd'hui. Aujourd'hui, la ville compte avec deux, trois villages qui font partie de la communauté urbaine, 60 000 habitants. À l'époque, quand les Français sont arrivés, il y avait 41 000 Français qui sont venus occuper la ville et 30 000 Allemands. Donc la question des logements s'imposait dès le début, si bien que les Allemands ont été priés de céder leur maison. Beaucoup logeaient à la cave ou partageaient la cuisine avec les occupants, enfin avec les Français. Ça n'a pas été une période facile pour commencer. En tout cas, ce qui est remarquable, c'est qu'au fil du temps, enfin jusqu'en de 1945 à 1999, quand les derniers Français sont partis, l'atmosphère tendue du début et d'inimitié, parfois, est devenue vraiment une atmosphère amicale, si bien que beaucoup, la plupart des Allemands ici de Baden-Baden ont regretté le départ des Français, parce qu'ils donnaient une certaine couleur locale à la ville. Même s'ils habitaient en dehors, ils étaient quand même très présents. Joachim Engert. Baden-Baden était prédestiné. C'était une belle ville et les Français l'ont tout de suite vue et ils ont dit oh là là, ce bon Baden-Baden. Et naturellement, ils se sont arrangés pour que la ville ne soit pas bombardée. Les Allemands ont dit attention, les Français arrivent. Si nous tirons maintenant, ils vont tout anéantir. Et donc, la ville s'est rendue. Et c'est comme ça que le centre historique de Baden-Baden a été épargné. Donc Baden-Baden va survivre très largement par rapport à d'autres villes allemandes à la Seconde Guerre mondiale. Ce n'était pas une cible stratégique. Pourquoi on aurait détruit cette ville? Il n'y avait pas d'industrie lourde à détruire. Ça n'a rien à voir avec Mannheim ou Ludwigshafen. On raconte que les Français avaient prévu relativement tôt d'utiliser Baden-Baden comme capitale de leur zone d'occupation, mais il n'y a aucune preuve de cela. Ce n'est qu'une histoire qui circulait dans le monde occupé. Parce que là, on est donc dans le quartier français, c'est ça? Là, c'est dans l'ancien quartier français, tout à fait. 60 hectares, c'est... on a peine à se représenter. On sort, on va voir un peu. Du coup, les Français vont complètement quitter le centre-ville. C'est-à-dire qu'eux qui étaient au Brenner au départ... Oui. Ils ont quitté peu à peu le Brenner, c'est-à-dire ils sont restés quelques années, le temps qu'on construise les cités. C'est après 49, oui, quand la République a été proclamée, qu'on a envisagé très concrètement de construire donc des cités. Donc nous arrivons au pied de ce bâtiment de 10 étages, avec une terrasse plate, d'où on a une vue magnifique. Donc c'est le bâtiment administratif BABO, B-A-B-O, de Badenhof. Parce que ce quartier, donc à 5 km du centre à peu près, s'appelle Badenhof. Il abritait donc la direction de l'enseignement français en Allemagne. Il comprenait aussi la pairie générale de France en Allemagne, donc un service de banque, le tribunal militaire, la direction des économas. Il y avait même une petite prison, une cellule de prison. Ce qui frappe, c'est son architecture très stricte, les années 50. C'est pourquoi il a été classé monument historique, avec énormément de verre. Et je trouve dommage qu'aujourd'hui, enfin, ce bâtiment soit à l'abandon. Là, on est alors au cœur des forces françaises en Allemagne. Ici vivaient à peu près 4000 Français, civils et militaires. Donc il y avait la caserne, Et puis, il y avait toutes les cités d'habitation en trois parties. C'était des noms français, du coup ? Oui, oui, tout à fait. Donc, il y avait la cité Thiérache, qui a été la première abandonnée. Et les autres cités avaient des noms des provinces françaises. C'était Normandie, Paris et Bretagne. Paris, c'était la cité la plus prestigieuse, logeait les officiers et les fonctionnaires civils supérieurs. Plus 10 villas pour les généraux, parce que les généraux avaient droit à des villas particulières. Et le général en chef résidait en dehors, dans ce qu'on appelle, dans le, ce qui avait été le pavillon de chasse du margrave Louis Wilhelm. Donc il habitait là-haut, le général en chef. C'était qui ? Lequel ? Alors, le dernier qui a quitté ici, c'était le général Benito. Un général qui a été très estimé de la population, c'est le général Massu, dont tout le monde sait que en mai 1968, le général de Gaulle, le président, a disparu. On ne savait pas où il était parti. Donc il a fait une excursion ici, ou une incursion chez le général Massu pour demander un petit peu ce qu'il devait faire. Baden-Baden, capitale d'été. Avec Heike Kronenwett, Renate Effern, Jeanne Moll, Elisabeth Hörand, Dagmar Rumpf et Joachim Engert. Extrait de Fumée de Tourguenieff, Nord de Louis-Ferdinand Céline, L'été à Bade d'Eugène Guinot et Lorelai de Gérard de Nerval. Lecture et doublage Christophe Brault et Hugo Malpère. Prise de son Sandrine Malon et Romain Lenoir. Mixage Alain Joubert. Un documentaire d'Anne Fleury et Christelle Le Polothèque. Voilà pour ce documentaire que vous pouvez réécouter sur le site de France Culture, franceculture.fr. Nous continuons et terminons notre petite série consacrée aux villes d'eau et au thermalisme ainsi qu'à l'hygiène du corps demain en nous demandant comment des villes d'eau ont pu devenir à un moment donné des villes de pouvoir, que ce soit du pouvoir culturel ou du pouvoir politique. C'est donc demain dans la Fabrique de l'Histoire.